Depuis plus de 200 ans, une étrange femme habite le musée du Louvre. Immobile, privée de ses deux bras, été comme hiver, elle trône majestueusement à demi nue. Ça alors ! N'a-t-elle jamais froid ? Est-elle allergique à la laine ? Pourquoi ne porte-t-elle pas un petit chandail ? Ou bien une écharpe ? Eh bien, ce serait très surprenant dans sa situation. Cette femme est une statue de marbre blanc, étincelant, aussi fin et délicat que la peau. À voir sa taille, plus grande que celle d'un simple mortel, il s'agit visiblement d'une déesse. Mais laquelle ? D'où vient-elle ? Parle, mystérieuse femme de pierre, réponds-nous. Où as-tu planqué tes deux bras ? Mais la belle, hélas, toujours reste de marbre. A-t-elle peur ? Quelqu'un l'empêche-t-elle de parler ? Lorsqu'un témoin de l'histoire refuse de causer, tu le sais bien, nous n'avons pas 36 solutions. Et encore moins 37. Nous devons enquêter. Tout au sud de la Grèce, au milieu de la mer Égée, se cache une île volcanique, arrosée de soleil, caressée par les vents. Ce lieu splendide porte un nom, l'île de Milo. Nous sommes en 1820, c'est le mois d'avril. Yorgos Kentrokas est un paysan d'environ 40 ans qui a besoin de grosses pierres pour construire le mur de sa nouvelle maison. Aucun problème ! Des pierres ! Yorgos sait exactement où en trouver. Il y a très longtemps, durant l'Antiquité, l'île abritait une splendide cité grecque dont il reste aujourd'hui de belles ruines. C'est là que Yorgos décide de planter sa pelle. Notre homme se met au travail de bonne heure. Au même moment, Olivier Voutier, un ambitieux élève officier de la marine française, se promène dans les environs. S'il visite l'île si tôt ce matin, c'est qu'il espère y faire une fabuleuse découverte. D'un pas décidé, le jeune homme se promène près de l'ancienne cité antique. Il balaie le paysage des yeux. Son regard est aiguisé, prêt à détecter le moindre petit trésor, lorsque... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un drôle de bruit perturbe ses recherches. C'est pas vrai ! Il n'y a pas moyen de travailler tranquillou sur cette île paradisiaque ? Ce bruit, c'est l'appel de Yorgos qui creuse et creuse encore, avec entrain, en chantonnant ! Mais oui ! Il est de fort bonne humeur ! Ronchon, Voutier s'approche de la scène. Là, tout près du paysan grec, un gros morceau de pierre attire son attention. Il s'approche d'un peu plus près. Waouh ! Et si je la tenais enfin, ma fabuleuse découverte ? Bingo ! Ce que Yorgos vient de sortir de la terre n'est pas une simple pierre. Non, c'est un magnifique buste de femme. La poitrine nue, le visage est infiniment gracieux. Les cheveux coiffés en chignon. Voutier, bondis ! C'est la moitié d'une statue de femme. Où se cache le reste du corps ? Monsieur, 100 piécettes si vous continuez à creuser. Yorgos accepte. La récolte est excellente. Les jours qui suivent, d'autres morceaux sont découverts, parmi lesquels deux fragments de bras, une main tenant une pomme et un grand bloc représentant deux jambes drapé dans un superbe tissu qui tombe négligemment des hanches jusqu'aux pieds. La voilà ! C'est la deuxième partie de la statue. Éclairé par le soleil du soir, Voutier contemple tous les morceaux. Qui es-tu, femme de pierre? Sans doute une déesse, mais laquelle? Qui est-elle, en effet? Et ces deux fragments de bras? Et cette main tenant une pomme, retrouvée tout près du buste et des jambes? Est-ce qu'ils lui appartiennent? Pour l'instant, impossible à dire. Oh, qu'est-ce que ça peut faire après tout? La seule chose qui compte, c'est la gloire que tu vas m'apporter. Il suffit que je parle de toi à la bonne personne. À toute vitesse, il court prévenir le vice-consul français de Lille. À son tour, ce dernier envoie un courrier express à l'ambassadeur de France, le marquis de Rivière. L'ambassadeur saute de joie. Oh, excellente nouvelle. Ah, une belle statue grecque, 100% authentique, tout droit venue de l'Antiquité. Voilà qui grandira le prestige de la France. Oui, mais... comment la ramener au bercail? À cette époque, toute la Grèce est sous la domination de la Turquie, qui est alors un empire... l'Empire ottoman. Faire affaire avec les Ottomans, n'est pas facile. Mais allez, ça se tente. L'ambassadeur connaît du monde. Génial! Il réussit son coup. Illico presto, il envoie son secrétaire, le vicomte de Marcellus, récupérer la statue sur l'île. Puis, il se met à table, car il a grand faim. Oh bah oui, alors, tout roule. Pourquoi me faire du mouron? Hélas! Une bien mauvaise surprise attend le secrétaire à son arrivée. La statue a disparu. Oh, sapristi! Mais où est-elle passée? Yorgos, le paysan qui l'a découverte, l'a vendue aux Turcs. Les deux morceaux ont été chargés à bord d'un bateau qui doit prendre le large d'une minute à l'autre. Vite! Marcellus court en direction du port. Lorsqu'il aperçoit le bateau, là, tout au bout du quai, prêt à larguer les amarres, il se met à courir. Encore plus vite! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non! Il vient de se prendre en fil un bateau entre les pattes! Arrêtez le bateau! Crie-t-il en tombant à terre. Mais c'est trop tard. Alors, Marcellus relève la tête et, les yeux tout pleins de larmes, il plonge son regard dans le lointain. Il attend. Il attend. Et pas? Et parfois? D'accord. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait ce bateau? Et pas? Et parfois? Mais qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Il ne barre pas ce bateau? Eh bien non! Il n'y a pas assez de vent! Impossible de mettre les voiles! Le navire est coincé au port. Youpi! Marcellus se met à courir. Avec un peu de chance, je vais pouvoir stopper l'opération! Pendant 2 jours, il négocie l'affaire avec les autorités grecques. Il paie une jolie petite somme. Enfin, il emporte le morceau. Yahoo! On transfère la statue dans un navire français. Elle quitte l'île de Milo le 25 mai 1820 sous la protection de Marcellus. Wow, wow! Youpi! 3 mois plus tard, alors qu'ils font escale à Athènes, Marcellus invite Louis-Sébastien Fauvel, un éminent spécialiste de la sculpture grecque, à monter à bord. Et oui, cette fameuse statue pour laquelle il s'est tant battu, il a envie de la connaître un peu plus. Dans la nuit noire, les deux hommes observent les différents morceaux à la lueur de flambeaux. Rapidement, le spécialiste parvient à identifier la statue. Il s'agit de Vénus, la déesse de l'amour. Regardez, la nudité et la beauté de son corps. C'est de là que vient tout son pouvoir. Aucune autre déesse antique n'est représentée ainsi, la poitrine nue. En mars 1821, la statue, désormais connue sous le nom de Vénus de Milo, arrive finalement au musée du Louvre, à Paris. Très attendue, elle se retrouve au cœur de toutes les discussions. Hé les gars, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'elle est là? On refait les parties qui manquent, comme d'habitude. Attendez, mais comment on les refait, ces bras en l'air, en bas? On sait pas comment elles se tenaient. Bon, commençons déjà par la remettre debout. Délicatement, on pose les deux blocs l'un sur l'autre. Pour la première fois, on peut l'observer dans toute sa hauteur. Oh, quelle vision merveilleuse! La Vénus et la grâce, la beauté grecque à l'état pur. Dans les musées, les œuvres d'art sont protégées par des hommes et des femmes qu'on appelle des conservateurs. Passionnés, ils adorent les défis, les énigmes. Avec la Vénus, crois-moi, ils sont servis. À quoi pouvait-elle ressembler avec ses deux bras lorsqu'elle était complète? Que tenait-elle entre ses mains? Une grande enquête commence, elle va durer plusieurs siècles. Pour l'identifier avec précision, les conservateurs possèdent de précieux indices. Lesquels? Mais pardi, les deux fragments de bras, ainsi que la main à la pomme qu'on a retrouvée tout près d'elle. C'est une très bonne piste, en effet. La pomme est un attribut de la déesse. La déesse Vénus est souvent représentée avec une pomme. Youpi! La main pourrait tout à fait être la sienne. Des jours, des nuits durant, on essaie de faire tenir les deux fragments de bras dans tous les sens, puis on étudie la main. Hélas, ni les uns ni l'autre ne semblent appartenir à la Vénus. Les morceaux de bras ne s'emboîtent pas, quant à la main, elle est moins bien sculptée que le reste du corps. Le temps passe. L'imagination des conservateurs s'emballe. Si ce n'est pas la bonne mimine, alors que pouvait tenir la déesse? Une autre pomme? Une amphore? Un trident? Un balai? Une chaussure? Est-on vraiment sûr qu'il s'agit de Vénus? Au département des Antiquités, les conservateurs s'arrachent les cheveux. Les pauvres. Certains sont à deux doigts de s'acheter une moumoute, c'est dire! Qu'importe, ils s'accrochent. Et tu sais quoi? Ils ont raison. Un matin, l'un d'eux a une révélation. Des statues de Vénus, il en existe d'autres. Pour en savoir un peu plus sur celle de Milo, on n'a qu'à les comparer. Avec un peu de chance, nous trouverons de nouveaux indices. Il existe justement une Vénus qui lui ressemble, découverte dans le sud de l'Italie, à Capoue. Lorsqu'on l'a retrouvée, il lui manquait aussi ses deux bras. Mamma mia! Tu parles d'une piste. Comparer une statue sans bras à une autre statue sans bras pour trouver des informations sur des bras disparus? Merci du cadeau! Pardon. Pas de panique! Il se trouve que cette statue est en fait une copie d'une autre statue, beaucoup plus ancienne, qui s'est trouvée jadis en Grèce, dans la ville de Corinthe. Aujourd'hui disparue, on la connaît grâce à des pièces de monnaie. Sur les petits cercles de bronze, on peut la voir tenant un bouclier. Le conservateur poursuit son analyse. Si la Vénus de Milo ressemble bien à la Vénus de Capoue, laquelle est une copie de celle de Corinthe, alors... Oui, Notre-Dame de Pierre tenait peut-être un bouclier entre ses mains. Ça alors? C'est donc cela qu'elle faisait? C'est une hypothèse très sérieuse, en effet. Pour en être sûr, il faudrait qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la Vénus de Capoue. Bref, il faudrait qu'elle soit sa copie. Il ne reste plus qu'à vérifier. Autrement dit, observer. C'est ce que fait le conservateur avec beaucoup d'attention. Mais, zut! Selon qu'on regarde la Vénus de Milo de face ou de trois quarts, on ne voit pas la même chose. Il y a des ressemblances entre les deux Vénus, c'est certain. Mais aussi des différences. À vrai dire, la question n'est toujours pas tranchée. Tenait-elle un bouclier? Une pomme? Ou bien encore autre chose? Qui l'a sculptée? Mystère et boule de déesse à demi-nue. réalisée au cours du IIe siècle avant notre ère, il y a donc plus de 2000 ans, la Vénus de Milo n'a pas encore livré tous ses secrets. Une chose est sûre cependant, dès son arrivée en France, elle a fasciné le public autant que les artistes, au point de devenir une véritable icône. Mais pourquoi ? Certes, elle est belle, mais d'autres statues, parfois beaucoup plus impressionnantes, restent pourtant dans l'ombre. Au fond, qu'est-ce qui fait qu'une œuvre d'art devient un chef-d'œuvre ? Parfois, ce que l'on ignore est plus fort que ce que l'on sait. Parfois, c'est la façon dont on la regarde qui fait toute la valeur d'une œuvre d'art. Derrière les Odyssées, il y a Fanny Leroy, Hélène Bizio, Basile Bocquer et moi, Laure. Grand Besançon ! Les Odyssées du Louvre est un podcast original de France Inter et du Musée du Louvre. La Vénus, aujourd'hui toute blanche, était autrefois peinte comme toutes les statues grecques de son époque. Incroyable ! Mais comment ? De quelle couleur ? Mystère ! Ça aussi, on l'ignore. Comment ? Encore des questions ? Eh ben, nous voilà bien.